36. Luc 2, 36. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à date, du chapitre 1, chapitre 2. Parce que la semaine prochaine, on va commencer le ministère de Jésus quand il va être à 30 ans. Okay? Cette semaine, on finit la période de son enfance, de son naissance et de son enfance. Et ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est les noms. Hein? On a vu les noms, Seigneur, Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, Roi d'Israël, Sauveur, Christ, Lumière du monde. C'est ce qu'on l'a appelé jusqu'à date. Il n'est pas venu au monde encore, là. Mais les gens qui ont été impliqués avant sa naissance, hein, Zacharie, Élisabeth, les bergers, Marie, Zacharie, Siméon, Anne, on va la voir ce matin, les bergers et Siméon encore une fois. Donc, toutes ces choses-là, ça a été dit de cet petit enfant avec un homme. Fait que Luc, il dit à Théophile, regarde, de ce qu'on a dit de lui avant. Et l'auteur, Luc, fait bien sûr qu'on a compris que c'est les anges et le Saint-Esprit qui ont fait ces révélations-là. Ce n'est pas humainement qui ont fait ces révélations-là, même si c'est Zacharie qui a dit des paroles, Marie ou Anne ou Élisabeth ou Siméon. La Bible nous dit, étant rempli d'esprit, ils ont dit telle affaire. Étant rempli d'esprit, ils ont dit telle affaire. Ou les anges ont dit aux bergers telle affaire. Et les bergers l'ont répété aux autres. Donc, tout ce qui a été dit là a été dit par soit le Saint-Esprit ou soit par les anges. Donc, ce que nous déclarons par rapport à Jésus, ça vient pas des êtres humains. L'apôtre Paul, il dit, ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas reçu des hommes. Je ne l'ai pas reçu des hommes. Ces hommes-là, on l'a reçu directement de Dieu. Nous, on répète ce que ces hommes-là ont dit, mais ces hommes-là l'ont entendu de Dieu directement. Et si vous remarquez, à chaque fois, ou presque à chaque fois, il y avait toujours beaucoup de monde impliqué. Anne, Élisabeth et Zacharie, beaucoup de monde impliqué qui ont su ce qui s'était passé. Dans le temple, dans sa famille, quand ils sont venus pour le nommer, Zacharie a prophétisé, et beaucoup de monde qui entendait, toute sa parenté ont entendu. Il y a beaucoup de monde, toujours beaucoup de témoins qui entendent ce qu'il dit. Les bergers étaient à plusieurs, ils l'ont dit à plusieurs. Donc, Siméon était dans le temple, et ce matin, on va voir Anne est dans le temple, et beaucoup de monde entend. Donc, ça ne s'est pas fait en secret dans la noirceur avec juste une personne qui aurait pu inventer ou rêver quelque chose. Il y a toujours une multitude de monde qui sont des témoins oculaires. Hein? Luc dit, j'ai été cherché auprès des témoins oculaires. Vous avez été cette semaine des témoins oculaires de quelque chose. Peu importe quoi. Vous pourriez aller devant le juge et dire, j'ai vu telle affaire. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais j'avais vu. Hein? Témoin oculaire. J'ai vu quelque chose. Et donc, automatiquement, ça nous amène à voir que ce Jésus-là est quelqu'un de très spécial. Donc, il dit, oui, Jésus est un être humain parce qu'il est né de Marie, mais il est un être spécial, divin. Et je vous ai dit l'autre fois que si on ne comprend pas ça, il y a un paquet de choses qu'on n'est plus capable d'expliquer dans la Bible. Ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu ont un paquet de mauvaises interprétations dans les Écritures. Il y a des mouvements qui sont dans le monde, qui vous visitent et qui viennent à vos portes et ils cognent, ils sont deux, la plupart du temps, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc, il y a un paquet de versets qui interprètent tout de travers parce qu'ils ne croient pas qu'il est Dieu. Le mouvement des Mormons croit qu'il est un Dieu parmi des milliers. Donc, la façon d'interpréter est très différente. Tout l'islam, 1,4 milliard, disent que Jésus est juste un prophète comme Mahomet. Juste un prophète comme Mahomet. Mais moins important que Mahomet, parce que Mahomet est venu après lui. Donc, plus proche de nous. Donc, automatiquement, hein, ces gens-là, quand ils lisent les Écritures, ont une drôle de façon d'interpréter des fois. Et c'est pour ça, à prime abord, et fondamentalement, et primordialement, et ils ne croient pas que Jésus pouvait les sauver, ils essaient de les sauver tout seul. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas vous sauver. Savez-vous ça? Si Jésus n'est pas Dieu, notre foi est complètement vaine. Parce qu'une fois, j'avais parlé avec deux témoins de Jéhovah. Il avait dit que Jésus est un ange, un super archange, hein, est un archange, l'archange Michael, qu'on va retrouver dans l'Apocalypse. Et Michael, l'archange Michael, est en guerre contre l'archange Lucifer. C'est une guerre au niveau des anges. Et j'ai dit à ce témoin de Jéhovah-là, si Jésus est un ange et qui est venu pour me sauver, ben je l'aime plus que Dieu. Je vais adorer lui au lieu d'adorer Dieu parce que c'est lui finalement qui nous a sauvés, c'est pas Dieu. Venez-vous? Si c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui que je devrais aimer et servir. Dieu, bien gentil, mais il n'est pas venu me sauver. C'est un autre qui est venu me sauver. C'est ça, Jésus. Donc là, je devrais adorer et aimer une créature plus que le Créateur. J'ai dit autrement, je vois, ça ne se peut pas, ça n'a pas de sens. Parce que nous avons péché contre Dieu. Nous n'avons pas péché contre un ange. C'est Dieu qu'il faut qu'il nous pardonne. Ce n'est pas les anges qu'il faut qu'il nous pardonne. C'est Dieu qu'il faut qu'il nous pardonne. Donc, quand on comprend ça, quand on comprend que c'est Jésus, c'est Dieu, automatiquement, tout tombe en place. Tout devient plus clair dans les Écritures. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Et ce matin, nous allons rajouter à cela ce que Anne va dire. Et on va rajouter aussi après ce que Jésus a dit. Parce que Jésus, ce matin, va faire une déclaration à son propre sujet, qui est très important, qui est fondamental, je pourrais dire. Verset 36 jusqu'à 40. Là, jusqu'à 39. Ça, on va voir, c'est parce que la semaine passée, on a manqué de temps, et la semaine passée, mais là, trois semaines, on a manqué de temps, on a arrêté à Anne. On a passé de Siméon, puis on a arrêté. Et là, maintenant, on va voir Anne. Parce qu'Anne est où? Elle est dans le temple. Elle est dans le temple. Disons qu'est-ce qu'on dit sur cette femme qui est avancée en âge. 36 à 39. Quelqu'un veut lire? Donc ici si on regarde le contexte avec Siméon, Anne est remplie du Saint-Esprit. Elle aussi, le mot aussi est important parce que Siméon était venu au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu l'avait révélé à Siméon des choses. Et elle aussi, ça veut dire elle aussi Anne, prophétesse. Qu'est-ce que c'est un prophète ou une prophétesse? Hein? C'est quoi ça? Oui, on va mettre ça ensemble. C'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu, qui parle aux hommes, qui a un message. Le mot dans l'original, c'est quelqu'un qui est entre deux personnes, l'intermédiaire. Dieu est en arrière, il me parle à moi, moi je vous le dis à vous autres. Donc, le prophète est entre Dieu et les hommes, et il parle aux hommes de la part de Dieu. Et les prophètes vont dire dans l'Ancien Testament au-dessus de 300 fois, « Ainsi parle l'Éternel. » Au-dessus de 300 fois, ils vont dire, « Ainsi parle l'Éternel. » Donc, ils sont juste des porte-paroles. Aujourd'hui, on pourrait utiliser les affaires satellites, là, les communications satellites, on pourrait utiliser nos cellulaires, Dieu pourrait nous parler, mais dans ça, il n'y en avait pas. Donc, il y a des prophètes, des hommes ou des femmes. Et ils parlaient aux hommes de la part de Dieu. Voici comme cette femme, juste en la déclarant prophète, elle est là pour Dieu et elle va parler. Une femme qu'on dit qui est avancée en âge, a 84 ans. C'est une bonne petite vieille, comme on dirait en québécois. Hein? T'es en forme, elle se tenait au temple. Et elle était là depuis longtemps au temple. Elle venait là beaucoup. Elle était restée veuve, depuis toutes ces années-là. Elle avait été mariée juste 7 ans. Juste 7 ans qu'elle était mariée. Et après que son mari est mort, elle est restée veuve et elle s'est mise à servir Dieu pendant toute sa vie. Restée veuve. Elle a décidé de servir Dieu. Et cette femme-là, elle est au temple, il semblerait, quotidiennement. Elle ne pouvait pas rester là la nuit, parce que tout le monde devait sortir, on fermait les portes du temple, elle devait sortir comme tout le monde. Mais elle revenait continuellement au temple, et elle possède de grandes périodes de temps, des journées de temps, dans le jeûne et dans la prière. Jeûne ici, il faut faire attention quand vous lisez dans la Bible le mot jeûne n'est pas toujours une abstinence totale de nourriture. C'est une, dans la Bible, il y a différentes formes de jeûne. Donc ici, elle, probablement qu'elle jeûnait, elle s'abstenait de certaines choses, mais elle mangeait d'autres choses, d'autres sortes de choses. Donc, il y avait des jeûnes spéciaux, de différentes façons de le faire. Et ici, on ne peut pas savoir quelle sorte de jeûne elle faisait, elle. Mais vous savez, comme moi, elle ne peut pas passer 60 ans sans manger. Hein? On n'est pas bien faim, mais on sait que ça ne marche pas. Ça ne t'offre pas. Après on dit qu'après 60 jours, si tu n'as pas mangé, surtout si tu ne bois pas, tu vas être mort. Mais cette femme-là jeûnait, elle priait Dieu. Et elle avait été amenée là par le Saint-Esprit. Et pendant qu'elle était là, et elle s'est mise à prophétiser aux gens, s'est mise à parler aux gens qui voulaient. Quelle sorte de personne à qui elle parlait? Regardez au verset 39. 38. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y avait un groupe, là, avec qui cette femme-là se tenait, dans le temple, parmi ces gens-là. Et elle s'adressait avec eux autres, elle dialoguait avec eux autres, elle parlait à ces gens-là, parce que ces gens-là attendaient la délivrance. Comme Siméon aussi attendait la délivrance d'Israël. On ne peut pas être certain de tout ce qu'il comprenait. C'était quoi la délivrance? Mais le mot délivrance ici, c'est le mot sauver. C'est le salut, c'est la même chose. Délivrer, c'est le même mot que le salut. Il attendait le salut d'Israël. On ne peut pas être sûr de tout ce qu'il comprenait. Je ne pense pas qu'il n'y avait aucun de ces gens-là qui était là, qui attendait un Messie qui n'était pas venu, qui était pour mourir sur une croix après le troisième jour. Aucun de ceux-là ne pensait cela. Mais les apôtres ne le pensaient pas. Les apôtres disent, Jésus est en train de mourir sur la croix, ou presque mourir. Puis il leur dit, je vais mourir sur la croix, je vais ressusciter. Pierre dit, non, ça n'arrivera pas. Les disciples d'Emmaüs, quand Jésus était mort, ils ont été découragés. Ils ont parti chez eux en broyant. Il est mort! Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Il ne pourrait plus sauver Israël. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais la chose qui est importante, ils attendaient la délivrance d'Israël qui venait de la part de Dieu. Ils savaient que c'est Dieu qui était pour les sauver. Peu importe le contenu théologique qu'il y a dans leur tête à eux autres à ce moment-là. C'est pas important de savoir. Ce qu'ils attendaient, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se délivrer eux-mêmes. Ils savaient que tout ce qui se passait dans le temple, tous ces sacrifices, toutes ces prières, tous ces encens qui montaient, tous ces ne pouvaient pas les sauver non plus. S'ils avaient cru que ces choses-là pouvaient les sauver, ils n'auraient pas attendu autre chose, ils auraient juste continué à faire leur sacrifice. Ils auraient juste continué à faire leur cérémonie. Mais il y avait eu une promesse dans l'Ancien Testament, il y avait eu une prophétie dans l'Ancien Testament, Dieu était pour envoyer un sauveur. Et dans l'Ancien Testament, si vous lisez Ésaïe, chapitre 48 jusqu'à 60, Dieu va dire à plusieurs reprises, « Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. » Il n'y en a pas d'autre sauveur. Je suis le seul sauveur. Et quand il dit qu'il attendait le salut d'Israël, il s'attendait à ce que Dieu était pour intervenir. Et ici, cette femme dit, elle parle de quoi? De Jésus. Ils attendent le salut d'Israël, ils attendent la délivrance d'Israël, et elle leur dit que Jésus est arrivé. Le délivreur est arrivé. Le sauveur est arrivé. Il est arrivé. Il va les délivrer. Et elle annonce une très bonne nouvelle au peuple. Depuis des milliers d'années, ils attendent ça. Et tout d'un coup, elle leur dit, à tous ceux qui veulent bien entendre, à tous ceux qui attendent la délivrance. Vous savez, quand quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui espère en Dieu pour son salut, et que vous lui annoncez la bonne nouvelle, il va se convertir tout de suite. Mais si vous trouvez quelqu'un qui essaie de se sauver, et par ses propres œuvres, et que vous annoncez le salut, probablement qu'il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas. C'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu lui dises des moyens pour être sauvé. Il veut que tu lui dises quoi qu'il doit faire ou quoi qu'il ne doit pas faire pour être sauvé. C'est pour ça que les religions, ça marche fort. Parce que les religions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent quoi faire et quoi ne pas faire. Mange ça, mange pas ça, mets-toi à genoux là, monte tout bout de site, fais ceci, fais cela, touche pas ça, mange pas ça, fais telle prière, fais tout. Ils vous donnent des moyens à vous, aux gens autour de nous, comment faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé. Ils n'attendent pas la délivrance de Dieu, ils essaient de se délivrer eux-mêmes. Et cette femme-là, elle s'est dit, tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, ils leur annonçaient que Jésus était arrivé. Que celui qui était pour les délivrer était finalement arrivé. Comme Siméon a dit à Marie et à Joseph, j'ai vu le salut de Dieu. Le salut du Seigneur. Je l'ai vu. Je le tiens dans mes mains. Je le regarde. Je le touche. J'ai vu le salut de Dieu maintenant. Et quand il disait ça, c'est Jésus qui parlait. Hein? Il ne parlait pas d'autre chose. Il parlait de Jésus. Et cette femme faisait la même chose ici. Elle annonçait dans la personne de Dieu, de Jésus, la délivrance d'Israël qui s'attendait depuis des millénaires. C'est pour ça que j'ai marqué sur la carte, Anne, elle a annoncé le rédempteur ou le délivreur ou le sauveur. Celui qui était pour racheter. Il y a plusieurs places dans la Bible où on parle de celui qui va délivrer. On va les lire, si vous voulez bien. À partir du B, là, elle parlait de Jésus comme étant la délivrance d'Israël. N'importe qui peut en lire un. Hein? On en lit. Il nous a délivré. De quoi? De la puissance des ténèbres. C'est ça qui vient. Il vient délivrer de la puissance des ténèbres. 1 Thessaloniciens. Oh, il nous délivre de quoi ici? De la colère de? À venir, c'est la colère de Dieu qui s'en vient sur le monde. Il nous délivre de la colère de Dieu. Ce matin, on a vu la colère de Dieu qui a tombé sur Uzza et qui l'a fait mourir. La colère de Dieu, il dit, Jésus nous délivre de la colère de Dieu. Nous délivre de la colère de Dieu. Parce que la Bible, si vous lisez l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la colère de Dieu. Dieu vient puis il détruit la terre complètement, prend tout ce monde-là, met ça dans l'enfer avec Satan, avec tous ses anges, ferme l'abîme, il fait un nouveau ciel, une nouvelle terre, puis il établit ses enfants dessus. C'est la colère de Dieu, le livre d'Apocalypse. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui ne comprennent pas que Jésus nous délivre de la colère de Dieu. Il ferme le livre et dit, oh, on a peur, c'est épeurant ce livre-là. Et si vous regardez des films de temps en temps, qui parlent de l'Apocalypse, c'est tous des films épeurants. Il y a toutes sortes de potames qui tuent, de peste, de toutes sortes d'affaires qui tuent. C'est épeurant, les films qui font là-dessus. Tu comprends? Le livre d'Apocalypse est épeurant pour quelqu'un qui ne comprend pas que Jésus nous délivre de cette colère-là. Mais pour l'enfant de Dieu, quand il lit l'Apocalypse, lui, il se réjouit, son sauveur arrive, puis il vient enlever le mal, établir le nouveau ciel, nouvelle terre, et le prendre avec lui. Donc, pour nous autres, c'est un temps de joie. Mais je vous garantis, si on est là, mais qu'il arrive, on danse, la gang. Je ne danse pas beaucoup, mais je vais danser, je pense, ce matin-là. Pas danser ce matin-là. Hey, Jésus arrive! Mon ami, ça va être la balle. 2 Timothée. J'ai été délivré de la gueule du lion. Dans le passage, la meilleure façon de comprendre ici, il parle de Satan, il parle du mal. Il dit, m'a délivré de la gueule du lion. Hébreu 2:15. Il nous délivre de quoi ici? De la mort. De la mort. Beaucoup de gens sont tenus dans la servitude à cause qu'ils ont peur de la mort. Peur de la mort. Hé, il en reste un. Excusez-moi. Apocalypse 1:5. Il nous a délivré de quoi ici? De nos péchés. Donc, il nous délivre de la puissance des ténèbres, il nous délivre de la colère de Dieu, il nous délivre de la gueule du lion, il nous délivre de la crainte de la mort, il nous délivre de nos péchés. Il nous livre beaucoup, beaucoup de délivrance. Mais il n'y a pas de délivrance beaucoup là-dedans, terrestre. Il ne délivre pas de la maladie. Hein? Il ne délivre pas de la maladie ici. Il ne délivre pas de la pauvreté, il ne délivre pas de ces choses-là. Mais il délivre des autres affaires. Moi, j'aime autant être délivré de ces choses-là. Parce que les autres choses, s'il me délivrait des autres choses, ça durerait peut-être 100 ans pour les meilleurs. Mais cette délivrance-là, c'est éternel. C'est éternel, beaucoup plus important. Ça, c'est ce que Anne annonçait. Sans le dire dans ces mots-là, elle. Mais elle dit, elle annonçait que la délivrance d'Israël était arrivée et Dieu était pour nous délivrer. Il va, je fais juste une petite parenthèse, il va nous délivrer finalement de toutes les maladies physiques, de tout ça, la mort physique. Il va nous délivrer de ça, mais à son deuxième venu. Sa mort à la croix nous a gagné le droit, a donné à Jésus le droit de nous délivrer aussi de la mort physique et de toutes les maladies. Mais ça va se faire à la deuxième étape. Oui, c'est par sa mort à la croix qu'il nous a, qu'il a acquis le droit de ressusciter et de nous ressusciter aussi. Okay? Donc, Jésus a passé de son corps mortel, de son corps qu'on pouvait tuer, blesser, okay? Il est passé à l'autre corps par la résurrection. Hein? Il est mort, et là, quand il est ressuscité avec un autre corps. Nous, il faut passer par là aussi, il faut passer par la résurrection afin d'avoir un corps parfait comme le sien. Okay, c'est pas maintenant, en tout cas, on n'est pas passé par la résurrection physique encore. S'il y en a que Dieu qui l'ont passé, venez nous voir, montrez-nous ça, comment vous avez fait, et qu'est-ce que ça a donné. Mais personne ne l'a fait. Hein? Donc, quand on va passer par la résurrection de notre corps, ou la transformation pour ceux qui ne sont pas encore morts, parce que si Jésus revient aujourd'hui, puis on n'est pas mort, c'est juste une transformation du corps. Et là, on sera plus malade, parce que la Bible nous dit, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, plus de maladie, plus de mort, plus de tristesse, plus rien de ça. Donc, c'est par la résurrection qu'on fait ça. Okay? Donc, il ne faut pas espérer ça maintenant. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable de tout faire, cette chose-là. Mais est-ce que c'est son plan? Ça, je vous pose la question. Je ne parle pas que c'est son plan. Parce que depuis 2000 ans, les chrétiens meurent. Malades, infirmes, ils meurent. Tous. Les apôtres sont tous morts. Paul est mort. Tout le monde est mort. Jusqu'à aujourd'hui. Le chrétien meurt. Donc, s'il meurt, même s'il meurt de vieillesse, savez-vous ça que la vieillesse, c'est une punition de Dieu? Excusez-moi de dire ça comme ça. Parce que si Dieu ne nous avait pas été puni du péché, on ne vieillirait pas. La vieillesse, c'est une conséquence du péché. Parce que le corps se dégénère jusqu'à un point qu'il va mourir. S'il n'y a pas d'autre maladie, s'il n'y a pas d'accident, juste par la vieillesse, il va mourir pareil. Je vais parler de ça avec un médecin une fois. Le médecin dit, on ne comprend pas. Pourquoi qu'à certains moments donnés dans le corps humain, les cellules arrêtent de se reproduire? On ne comprend pas encore. La science ne nous a pas donné de raison. Moi, j'ai dit, j'en ai une, moi. Et il dit, on appelle ça le péché. On appelle ça le péché. C'est le péché qui fait que ce que Dieu a dit, tu vas mourir maintenant. Tu vas mourir maintenant. Et c'est Dieu qui a voulu ça. Ça ne s'explique pas scientifiquement, mais ça s'explique spirituellement. C'est à cause de ça qu'on meurt. Donc, Anne a dit, la délivrance est arrivée dans la personne de Jésus. Votre délivrance, ma délivrance. Maintenant, on continue avec un autre texte ce matin, et on commence à partir du verset 40. Et là, c'est le seul petit extrait de la vie de Jésus qu'on a. Parce que là, si on n'avait pas ce petit extrait-là, on tomberait à 30 ans. Il vient au monde, il va au temple, il y a une quarantaine de jours peut-être, là, Jésus, 40 jours à peu près, parce qu'on allait au temple 40 jours après la naissance pour acheter Jésus. Vous vous souvenez, on a vu ça ensemble. Il devait payer cinq shekels au temple pour racheter le premier-né de la famille. Donc, ils sont allés pour faire ça. Marie a offert des petites colombes pour sa purification. Et là, ça faisait à peu près 40 jours. Donc, Jésus devait avoir 40 jours cette journée-là. Si on n'avait pas ce qu'on va voir ce matin, on virerait la page, puis il y aura 30 ans. Mais nous disons, mais il y a un petit espace là. Ah, j'ai lu des livres sur cet espace-là. J'ai lu des livres depuis 25-30 ans que j'étudie. Des livres, ça dépend sur ce qui s'est passé entre ça et 30 ans. Mais c'est pas dans la Bible. Il est allé au Tibet, mon gars, puis il a étudié avec des grands gourous, puis en tout cas, ils en ont fait faire Jésus des voyages. Je vous garantis. que Jésus, vous l'avez lu une fois, Jésus est allé au Tibet, il avait étudié avec des Tibétiens, et quand il était revenu de là, il savait faire des choses spéciales, et c'est pour ça que les gens ne l'ont plus pour un Dieu. C'est vrai que les Tibétains, là, qui disent qu'ils font la lévitation, ils se lèvent dans les airs, c'est pour ça que Jésus marchait sur l'eau, et tout, là, là. Je veux mieux croire la Bible. Je veux mieux croire la Bible. Hein? Ils ont tous. Je ne suis pas de lire ces livres-là, mais il faut se dire, c'est des livres humains. Nous, on croit que la Bible est correcte parce qu'elle est de Dieu. Sans ça, je ne la lirai pas plus. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose quand Jésus a eu 12 ans. Ça, c'est juste une petite fenêtre sur sa vie. Et Luc a cru bon de le dire. Parce que ça révèle quelque chose par rapport à Jésus. Vous avez déjà vu des films à la télévision, Jésus a 5-6 ans, puis il prend des petites affaires en terre, il modèle ça, il souffle dessus, ça devient des petits oiseaux. Ah, il fait toutes sortes d'affaires. Il fait toutes sortes de petits miracles quand il a 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Il y a plein de petits miracles. Je ne sais pas s'il en a fait, mais j'ai la conviction qu'il n'en a pas fait. Parce que, qu'on va voir ensemble, quand Jésus va arriver à 30 ans, zéro le connaissent. Zéro le connaissent. Excepté sa petite famille proche. Zéro. Excepté le petit texte qu'on a ici ce matin. Quelques personnes privilégiées vont voir quelque chose de Jésus que personne d'autre a vu. Parce que Jésus va arriver à 30 ans et tout le monde va le regarder et va dire « Hey! » C'est le menuisier de Nazareth, ça, ce gars-là. Mon sort qui fait des miracles. Personne ne le savait. C'est que s'il avait passé sa jeunesse à faire des petits oiseaux d'argile, puis à guérir les petits enfants, puis à faire des petits miracles, tout le monde aurait su que c'était une espèce de super quelque chose, ce gars-là. Là. Mais il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. À ma compréhension. Parce que selon ce qu'on a dans la Bible, il n'avait rien fait. Mais, ouvrons une petite fenêtre à l'âge de 12 ans. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Verset 40, il croissait. Verset 52, il croissait. Donc on a une parenthèse, là, hein? C'est facile à comprendre. Une parenthèse. Même en français, on voit la parenthèse. Il parle que Jésus avait une croissance. Et en bas, Jésus avait une croissance aussi. Donc, entre les deux, il donne un exemple de cette croissance-là. Que Jésus est un être normal, un être humain normal. Il croissait. Il n'est pas passé de la crèche à 30 ans dans un miracle, dans une nuit. Parce que Luc est en train de montrer que Jésus était vraiment un être humain aussi. Parce que faut pas juste démontrer qu'il était Dieu, parce que s'il n'est pas être humain, on a un autre foutu problème. Il ne peut pas nous sauver s'il n'est pas humain. Il ne peut pas nous sauver, c'était Dieu. C'était pas Dieu, excusez. Mais il ne peut pas nous sauver non plus, c'était pas humain. Ça prenait un humain pour sauver les humains. Parce que c'est les humains qui avaient péché contre Dieu. Un ange ne pouvait pas venir prendre notre place. Il ne pouvait pas. Ça prenait un être humain pour le faire. Donc un humain qui était aussi un Dieu. Il faut mettre ça ensemble, à quelque part. C'était pas un demi-dieu et un demi-humain. Il était 100% humain et 100% Dieu. Les deux ensemble. Et il croissait. Excusez. Verset 40. Il croissait. Premièrement, le contexte, c'était la fête de Pâques. Ça s'est passé à la fête de Pâques, ce qu'on va voir. Fête de Pâques, rappelée aux Juifs la sortie d'Égypte. Tous les hommes devaient se présenter à Jérusalem. Tous les Juifs, de partout dans le monde, qui pratiquaient la foi juive, devaient revenir à Jérusalem pour la fête de Pâques. Tous les hommes. Les femmes, ce n'était pas obligatoire. En général, les femmes venaient pareil. Mais quand un enfant avait 12 ans, jeune homme, il devait venir aussi. Il devenait, on appelait ça, un enfant de la loi. C'était une forme de baptême chez les Juifs. Tu passais de l'enfance à l'âge adulte. Et tu étais soumis toi aussi à ces lois-là. Tu devais pratiquer la loi comme un homme le faisait. Donc Jésus est monté avec eux autres. Probablement, c'est pour ça que les autres, on ne s'aperçoit pas que les autres enfants sont là, parce qu'on croit que Marie avait d'autres enfants à ce moment-là. Ils ne sont pas montés parce que Jésus était le plus vieux de la famille. Il y avait celui qui avait 12 ans. Et si les autres, c'était tout. Il y avait des filles parmi les autres, on a parlé de ses sœurs à un moment donné, on a parlé de ses frères. Il y avait au moins deux frères puis deux frères puis deux sœurs. Non, c'est trois frères puis deux sœurs, au moins qu'on sait. Okay? Trois frères puis deux sœurs. Parce qu'il dit ses sœurs. Si il y avait eu un qu'une, elle a dit sa sœur. Moi, il y en avait deux. Il y en avait peut-être cinq, six, on ne sait pas. Il y en avait au moins deux. Donc, il ne les a pas emmenés avec eux autres. Jésus monte là, avec eux autres, cette fois-là. Et ce qu'on a, c'est que, vous avez connu l'histoire, ils sont repartis de Jérusalem. On pense peut-être deux ou trois jours après, la fête durait 7 jours. La fête de Pâques durait 7 jours, mais la plupart des gens ne restaient pas 7 jours. Il restait le temps de faire le sacrifice qu'il faisait de l'agneau, l'agneau qu'il devait tuer, et le manger, et faire les sacrifices autour de ça. Et ça durait 2 jours, 2 jours et demi. Ensuite, la plupart des gens repartaient. Une grande partie des Juifs retournaient chez eux après 2-3 jours. Une fois, j'avais lu, la loi disait que 10 personnes par agneau. 10 personnes par agneau. Dans l'histoire de Josephus, il dit qu'il tuait facilement 250 000 agneaux à la Pâque. Imaginez-vous comment est-ce qu'il en a tué des agneaux? 250 000 moutons mouraient cette journée-là. Parce qu'ils se rappelaient un jour en Égypte que Dieu les avait délivrés et qu'il avait mis le sang sur le linteau des portes. Il dit qu'il y avait tellement d'animaux qui tuaient cette journée-là, qu'il y avait une espèce de petit dallo qui sortait du temple et qui s'en allait dans la vallée de Cédron, tombé dans une espèce de ruisseau qui passait là. Et le sang coulait littéralement dans ce dallo-là jusqu'à l'eau pour que ça s'en aille. 250 000, là, c'est de l'agneau, ça. C'est de l'agneau, ça. Et c'était à ce moment-là que Jésus aussi, un jour, va être immolé comme l'agneau de Dieu. Donc, il part, et là, il revient le chercher. Et pendant qu'il le cherche, il le trouve finalement, 3 jours après, dans le temple. Ça, c'est ce qu'on a, c'est la situation, c'est le contexte de ce qu'on voit ce matin, le contexte de la révélation. Maintenant, le contenu. Qu'est-ce que Luc veut que Théophile comprenne de cette histoire-là? Souvent, moi, quand j'étais jeune, mes parents, à l'Église catholique, on lisait ces passages-là, et j'ai entendu l'histoire, la connaissais avant de devenir chrétien, l'histoire. Mais je n'ai jamais su pourquoi il la comptait vraiment. Pourquoi Luc l'avait conté, cette histoire-là? Parce que Luc aurait pu sauter par-dessus comme tous les autres. Luc est le seul, parmi les 4 évangiles, à dire ce passage-là. Pourquoi lui, il le dit, puis les autres ont-ils passé par-dessus? Ils ne le savaient peut-être pas. Ils l'ont peut-être jamais su. Luc a peut-être parlé avec un témoin oculaire qui a raconté cette histoire-là. Peut-être avec Marie, peut-être avec quelqu'un, la sœur de Marie, la parenté dans Marie, peut-être quelqu'un qui l'a connu. On ne sait pas comment il le su, mais il le su de quelqu'un. Et peut-être qu'il a décidé de le mettre parce qu'il voulait que Théophile comprenne bien que, premièrement, j'appelle ça sur le plan de vue humain, Jésus croissait. Il grandissait. Il se fortifiait. Il avançait dans son attitude du côté physique et du côté humain. Jésus a appris à parler, comme nous autres, on a appris à parler. Jésus a appris à marcher, comme nous autres, on a appris à marcher. Il était un être. Il grandissait normalement. Et il est arrivé à un moment donné à l'âge de 12 ans. C'était un être humain comme tous les êtres humains. Des milliers de personnes pouvaient le côtoyer tous les jours. Il n'a jamais vu la différence avec les autres enfants. Jamais vu la différence, physiquement parlant. Jésus n'était pas un petit blond aux yeux bleus. Probablement pas. Pourquoi? Parce que les Juifs, ce n'est pas des petits blonds aux yeux bleus. Allez en Israël, puis allez voir les Juifs, ouais, si vous allez en trouver des petits blonds aux yeux bleus. Vous n'en trouverez pas. Ils ont tous les cheveux très foncés, bruns foncés, quasiment noirs, et ils ont tous les yeux bien foncés, bruns ou noirs. C'est des gens qui sont foncés. Ils ont la peau foncée, un peu plus que nous autres, du moins. Ils sont pas noirs, mais ils ont la peau des Orientaux. Et ils ont vraiment un gros nez comme ça, parce que les Juifs ont tous des gros nez comme ça. Hein? On s'est surpris de voir une photo de Jésus. « Ah, j'aimerais ça de la mettre en comparaison avec tout ce qu'on a. » Oh, c'est pas Jésus, ça. C'est peut-être juste celui-là qui sent Jésus vraiment. Les autres, ça ne peut pas. Les autres, on nous le montre toujours comme un efféminé, à peu près 30 ans, là, et beaux cheveux, des beaux boudins, des petites barbes, là, ses petits yeux bleus. Moi, Jésus, à l'âge de 30 ans, ne pouvait pas avoir la barbe taillée. C'était défendu de se tailler la barbe chez les Juifs. C'était défendu chez les Juifs de se tailler la barbe. Donc, il ne pouvait pas avoir la barbe. Ceux qui ont fait les images de Jésus, souvent, n'ont pas gardé l'image, la pensée juive. Parenthèse, on a déjà entendu parler d'un gars qui avait fait le portrait de Marie. Il y a un petit pamphlet là-dessus, le portrait de Marie. Il y a un homme qui était une femme, Dieu, qui était une grande fervente de Marie. Puis elle a demandé à un moine qui était catholique, qui était très un peintre aussi, un très grand peintre, elle a demandé, veux-tu me faire un dessin de Marie le plus exact possible, le plus réel possible? Le gars, il n'avait jamais vu Marie. Fait que ce qu'il a fait, il est allé lire tous les passages de la Bible qui parlaient de Marie. Et il a fait un dessin à partir de ce qu'il a vu dans la Bible. Et il l'a emmené à la femme. La femme a dit, c'est pas Marie, ça? Pas Marie, ça se peut pas. Il avait fait une femme qui avait à peu près 60 ans, qui avait eu 6-7 enfants, et qui avait vécu dans la misère, qui avait souffert. Fait que ce n'était pas une petite jeune femme de 30 ans, avec la taille grosse de même. Hein? Elle aussi, les yeux bleus. C'était pas ça. C'était pas la réalité. Marie était une femme, une paysanne, une femme qui était élevée dans la difficulté de ces journées-là. Les femmes juives sont plutôt courtes, plutôt trapues, parce que c'est leur façon d'être. Et les cheveux foncés aussi, les yeux foncés comme les hommes. Et elle avait 60 ans. Pourquoi? Parce qu'elle avait à peu près 25 ans, peut-être 30 ans quand elle a eu Jésus, peut-être 20 ans. Puis Jésus avait 30 ans quand il est mort. Fait qu'au moins, elle a vieilli, elle aussi, elle se grandissait, là, hein? Elle aussi, elle croissait, là. Fait qu'elle n'a pas resté à 30 ans. Vous la voyez, des fois, sur le bord de la croix, puis elle est aussi jeune que Jésus. On est là. Je dis, mais non, elle n'a pas vieilli, hein? Jésus, il grandissait. Et c'est important pour que Théophile comprenne que Jésus était un enfant ordinaire et qu'il grandissait. Parce que il faut qu'il comprenne qu'il était le fils de l'homme. Et Jésus, pas Jésus, mais Luc, dans son épître, dans son évangile, 26 fois, il va appeler Jésus fils de l'homme. Seulement 7-8 fois, il va dire fils de Dieu. Il veut passer un message quelque part. Hein? Dans l'évangile de Jean, ça va être le contraire. Fils de l'homme, juste quelques fois, fils de Dieu, 25-30 fois, peut-être. Mais il passe un message aussi, là. Il veut que Théophile comprenne et croie que Jésus était un homme comme tous les hommes. Et quand on va le parser, quand on va le couper, quand on va planter des clous, il va mourir comme tous les autres. Quand on va planter une lance à son côté, il va mourir comme tous les autres. Il est un être humain, comme tous les êtres humains. C'est pour ça que Luc va le montrer en train de manger. Luc va le montrer en train de dormir. Luc va le montrer en train de suer du sang. Luc va le montrer en tant qu'un homme qui a peur de la mort, comme tous les êtres humains ont peur de la mort. Moi, j'ai tout le temps, j'ai pas peur de mourir, mais quand je vois venir un truc, je me tasse. Pas peur de mourir, mais je me tasse quand les camions arrivent. Hein? On est des êtres humains. L'être humain a été créé d'une façon instinctive, il fuit la mort. Et Jésus, il voulait éviter aussi la mort, la souffrance. Il était un être humain, comme tout le monde. Et j'ai pas marqué ici, mais si vous voulez faire une recherche... On n'aura pas le temps d'aller lire, mais cherchez l'expression « fils de l'homme » dans le Nouveau Testament et vous allez le voir ressortir peut-être 50, 60, 70 fois dans l'ensemble. Tout le monde crie haut et fort. Jésus était un être humain comme tout le monde. Il était le fils de l'homme. Ça veut dire qu'il était de la descendance de la race humaine. Sans ça, on se perd dans ça. Donc, quand vous allez voir, ici, il croit en stature, il croit en sagesse, il croit en esprit, ça veut dire que tout son développement s'est fait. Il était comme un être humain, il apprenait. Il voyait des choses pour la première fois, comme tout le monde. Maintenant, c'était, mais il s'avait vécu pour l'éternité en tant que Dieu, mais en tant qu'être humain, quand il voyait quelque chose, « Ah, je n'avais jamais vu ça! » Il était comme un être humain normal. Normal. Donc, c'est dur pour nous autres, je vous comprends. En tout cas, si c'est pas dur pour vous autres, je vous envie, c'est dur pour moi de mettre les deux ensemble. Comment peut-il être Dieu et homme en même temps? Je ne suis jamais capable d'arriver là parce que je ne suis pas un Dieu et un être humain en même temps. Vous aviez découvert ça depuis longtemps. Hein? On n'est pas des êtres divins. Non. Donc, on a de la misère à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Comment un être qui est homme et Dieu en même temps agit? On ne sait pas comment ça fâche. On ne sait pas comment ça marche. Mais la Bible nous dit clairement qu'il était les deux. Ici, ce passage-là nous aide à comprendre. Il croissait. Il avançait. Donc, il est passé par toutes les étapes de la puberté, pareil comme les petits gars de son âge. Il commence à avoir du poil au menton comme tous les autres, 12 ou 13 ans. C'est un être humain normal. Tellement normal, comme j'ai dit tout à l'heure. À l'âge de 30 ans, personne ne savait qui il était. Et ici, dans le texte, même Marie et son père le voient comme un être humain bien normal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous faut dire ça dans le texte, qu'il nous voit comme un être humain bien normal? Ils ne l'ont pas laissé. Oh, ben, il ne nous en pas, c'est Dieu. Il va se débrouiller tout seul. Il va apparaître à la maison. Il est peut-être devant le Dieu à la maison. C'est un Dieu, ça. Faites-vous en pas. Il est Dieu. Il va sortir des problèmes. Il va faire apparaître des petits oiseaux, ou je ne sais pas quoi. Il va voler, ou comme un oiseau. Non, ils ont dit c'est un être humain, puis un enfant, quand tu le perds à 12 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu le cherches. Si tu dis, moi, j'aurais perdu ma fille, tu la cherches, ta fille, tu la cherches, ton gars. Tu veux savoir ce qui est? Parce que c'est un enfant, et tu agis comme un père, puis une mère, comme un enfant. Ils voyaient Jésus comme un enfant. Donc, même eux autres qui étaient au courant, qui étaient aussi Dieu, ils étaient tellement humains, ils le voyaient comme un humain. Ils avaient de la misère à comprendre le côté divin. Pourquoi? Ils ne l'ont jamais vraiment vu avant l'âge de 30 ans. Ils n'ont jamais vraiment vu Jésus vu divin avant l'âge de 30 ans. C'est cette petite fenêtre-là, ici, de la 12 ans, où ce qu'il a fait de choses de spéciales. Ah! Marie a dû vous retenir ce petit bout-là. Mais le restant du temps, c'est un enfant bien gentil, par exemple. Bien gentil. Hein? Parce qu'il ne faisait pas de péché. Toujours correct. Jamais tiré ses cheveux de l'autre. Jamais donné de plaque à son petit frère pour aller le jouer. Jamais poussé sa main dans les marches, non. Jamais fait ça. C'est un enfant parfait. Parfait. Ça doit être. En tout cas, j'aime autant pour en avoir eu des parfaits, moi, parce que ça aurait pas été drôle pour moi de les élever. Il y aurait eu toujours quelque chose à critiquer tout le temps. Papa, c'est pas ça qu'on fait. Papa, dis pas ça. Papa, fais ça. J'ai une chance qu'il n'était pas parfait, mes enfants. Mais je ne sais pas comment, quelle attitude qu'il y avait avec Marie, ses frères et sœurs. Ça devait être spécial. Ça devait être spécial. Mais il ne voyait pas d'autre chose qu'un enfant gentil. Un enfant tranquille, gentil. Là, deuxième chose. Donnez-moi 5 minutes. Le plan de vie divin. La Bible dit au verset 40 qu'il était rempli de sagesse, rempli de sagesse. Tout ce qu'il faisait était émanait de lui, c'était de la sagesse. Même quand il était enfant, ça émanait de lui de la sagesse quand il parlait. Il était sage. Il était sous la grâce de Dieu. Dieu était sur lui. La grâce de Dieu l'accompagnait tout le temps. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère. Jésus était en parfaite relation avec Dieu dès le début de sa naissance. Dès le début. Il avait une relation avec Dieu tellement spéciale parce qu'il était Dieu lui-même. Et on le voit au verset. On ne sait pas à quel âge que Jésus est devenu conscient qu'il était Dieu. On ne sait pas. Ce n'est pas possible pour nous savoir ça. Mais on sait qu'à 12 ans, il l'était en tout cas. Hein? On ne sait pas à quel il est devenu, mais à 12 ans, il l'était. Et il va dire une chose qui va marquer l'histoire de l'Église. Je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus dira jamais, dans la Bible, il dira jamais notre Père. Acceptez quand il dit, quand vous priez, vous direz notre Père. Jamais lui a dit, en parlant à ses disciples et avec lui, c'est jamais inclus en disant notre Père. Il a toujours dit, mon Père, votre Père. Mais il s'est toujours mis à part des autres. Moi, ma relation avec mon Père, elle est différente de vous autres. mon Père. Il l'a mis très personnel. Très personnel. C'était, je m'occupe des affaires de mon Père. Vous n'avez pas dû me chercher. Il y a plusieurs qui disent ça, j'ai tendance à aller dans cette direction-là. Plusieurs qui disent, si vous me cherchez, si vous m'avez vu que je n'étais pas là, vous n'avez pas dû me chercher pendant 3 jours, vous auriez dû venir directement au temple. Vous saviez qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Les affaires de mon Père se passent au temple. C'est la maison de mon Père. Et c'est donc, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Vous n'avez pas dû me chercher pendant 3 jours. Vous auriez dû venir directement ici. Je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. Et à quelques reprises, nous allons étudier dans Luc, à quelques reprises, Jésus va dire, il va appeler Dieu son Père. À 5-6 reprises, il va dire, mon Père, Père. Il va parler à Dieu comme étant son Père personnel à lui. Puis à quelques reprises, Luc va dire, va faire parler Dieu dans le ciel, va aller chercher des histoires. Dieu va parler dans le ciel, il va dire, mon Fils bien-aimé, mon Fils unique, mon Fils à moi. Et donc, il va y avoir deux, trois façons que ça va se dire. Ça va monter d'en bas, il va dire mon Père, et en haut, le Père va dire mon Fils. Donc, il va y avoir une relation entre le ciel et la terre dans l'Évangile de Luc, parce que tous les deux vont manifester que Jésus est un être humain, mais un être humain pas comme les autres. Un être humain qui a une nature divine. C'est unique, ça. Il n'y en a pas eu d'autre, puis il n'y en aura jamais d'autre. Il est une nature divine. Et ici, à cause que Marie et Joseph avaient de la misère à comprendre que Jésus était Dieu, et leurs gestes n'étaient pas tout à fait adéquats tout le temps, Jésus leur fait un reproche ici. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous me cherchez? Vous savez que je veux m'occuper des affaires de mon Père. Il dit, vous ne comprenez pas. S'il y en a deux qui devaient le comprendre, c'est bien vous autres. Dieu vous a parlé directement dans des rêves, dans des anges. Et Dieu vous a parlé, vous l'avez dit que j'étais le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. J'étais le Messie, j'étais le Fils du roi David. Vous devriez savoir. Mais il était tellement humain qu'il avait de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il ferait. Il était tellement humain. Mais ici, il leur dit, n'oubliez pas, je suis aussi divin. Je suis aussi divin. Je crois que ici, il y a un beau mariage entre les deux natures de Jésus, divine et humaine. Et je vous encourage, frères et sœurs, toujours garder ça en mémoire dans votre tête et dans votre vie de tous les jours et dans ma vie de tous les jours, à cause qu'on a de la misère à mettre ça ensemble. Nos décisions et notre compréhension de la parole de Dieu n'est pas toujours adéquate. Nos façons d'agir en tant que chrétien ne sont pas toujours adéquates parce qu'on oublie que Jésus était aussi divin qu'humain. On oublie ça. S'il est humain et divin, il ne faut jamais penser qu'il peut se tromper. Il ne peut pas se tromper parce qu'il est divin. Il est divin. Et n'oublions pas que Jésus était humain, mais il y avait une chose différente avec nous. Il était divin, mais aussi il n'avait pas la nature pécheresse que nous, on a en au monde. Nous, on est en au monde, on est des enfants de colère, la Bible nous dit. On est pécheurs par nature. Hein? Quand on était catholique, on appelait ça la tâche originelle. On est au monde avec le péché en nous. Pas Jésus. Il n'a jamais péché, la Bible nous dit. Donc, il y a une différence avec nous. Lui, il ne peut pas se tromper dans ses raisonnements. Il ne peut pas se tromper dans ses décisions, dans ses sentiments, dans son raisonnement. Il ne peut pas se tromper. Donc, quand cet homme-là parle, il faut toujours dire, il faut écouter parce qu'il est aussi divin. Et rappelons-nous ceci. Il se vend des petits bracelets chez les chrétiens. Petits bracelets, je pense que c'est en plastique. Ils me l'ont dit, ils l'ont montré de loin, je ne l'ai pas vu. Ben, que ferait Jésus à ma place? C'est marqué ça dessus. Le monde porte ça. Que ferait Jésus à ma place? C'est beau de le porter. N'oubliez pas, vous n'êtes pas Jésus. Et Jésus avait une nature que vous n'avez pas non plus. Donc, il était humain et divin. Et il n'était pas pécheur comme vous l'êtes. Et comme je suis. Donc, oui, Jésus, c'est notre modèle. Mais attention, rappelons-nous que le modèle qu'on regarde, il est divin, mais nous, on ne l'est pas. Rappelons-nous ça. Il n'était pas pécheur, et nous, nous le sommes. Donc, Jésus n'avait pas des pensées mauvaises quand il se levait le matin. Jésus ne pensait pas mal quand il regardait quelque chose. Nous, oui. Donc, ce qui est intéressant de se rappeler, lui, n'oublie pas. que nous, on est des êtres humains seulement et pécheurs en plus. Lui, n'oublie pas ça. Il se souvient qui nous sommes. OK? Nous non plus, il ne faut pas oublier qui il est. Et que cela puisse nous aider à toujours présenter, quand vous présentez l'Évangile, il faut le présenter humain et divin. Quand j'étais jeune, dans ce temps de Noël qu'on est présentement, chez nous, il n'y avait pas d'arbre de Noël. Ma mère était très religieuse. Il n'y avait pas d'arbre de Noël chez nous. Il y avait dans le coin, il y avait une crèche. Juste une crèche, là. Décorée avec la grosse étoile au-dessus. Puis il y avait toujours le petit Jésus dans cette petite crèche-là. Vous savez, quand, je ne sais pas si on était religieux à ce point-là, mais nous, on montait la crèche, mais on ne mettait pas Jésus dans la petite mangeoire avant le soir de Noël. Donc, pendant la première semaine qu'il y avait avant, on regardait, puis on était des enfants, on regardait, puis il n'y avait pas de Jésus dans la crèche. Le soir de Noël, ma mère mettait le Jésus dans la crèche. Jésus est arrivé. Mais pour nous, c'était Jésus humain. C'était plus Jésus humain. Parce qu'on avait, on ne pouvait pas concevoir que ce petit enfant-là était Dieu. On ne pouvait pas concevoir ça de notre tête. On est juste un petit Jésus humain. Puis, en vieillissant, on nous a présenté toujours un petit Jésus. Il est toujours resté petit Jésus. Il était dans les bras de Marie, toujours petit, petit Jésus. Puis ma mère nous parlait tout le temps, elle disait, il faut faire broyer petit Jésus. Il est toujours resté petit. Et si, il disait quoi? Il croissait, il grandissait. Il est devenu un homme. Il est peut-être devenu plus grand que Marie. Vous ne le verrez jamais sur les photos avec Marie. Presque, en tout cas, moi, je ne me souviens pas de l'avoir vu ça. Qui est aux côtés de Marie et qui est plus grand qu'elle. Ou qui a un bras autour d'elle qui la protège. Jamais. C'est toujours Marie qui protège le petit Jésus. Très profond comme fausse doctrine, vous savez. Très profond comme fausse doctrine. Rappelons-nous qu'il a grandi comme un être humain. Et à cause qu'il est un être humain, il vous comprend et il me comprend, parce qu'il est un être humain aussi. Mais aussi divin. N'oublions pas ça. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré cette petite fenêtre dans l'adolescence de ton fils. Il a grandi comme nous. Il a passé par toutes les étapes comme nous de la vie humaine. Il a souffert de la fatigue. Il s'est peut-être blessé comme nous. Il s'est peut-être planté des écharpes pendant qu'il faisait son métier. Il a souffert comme nous. Parce qu'il est un être humain comme nous. Mais Seigneur, il était rempli d'esprit, rempli de sagesse. Il était rempli de la grâce de Dieu. Il était Dieu lui-même. Parce que si tu étais son Père, et toi tu es une nature divine, lui en tant que fils, est aussi de nature divine. Aide-nous, Seigneur, Dieu a toujours présenté un Jésus comme cela, un Jésus qui délivre le monde, un Jésus homme et un Jésus Dieu. Garde ton Église dans la vérité, Seigneur. Garde ton Église dans la vérité. Afin qu'on puisse proclamer un Évangile qui sauve les êtres humains. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On va arrêter là, s'il vous plaît.